42. La création collective. Lu par François Chenel. La création collective. Qui a créé Counter-Strike? Les développeurs qui ont conçu Half-Life, sans lequel ce jeu n'aurait pas été possible? Mainly? Tous y ont contribué, bien sûr. L'histoire de ce logiciel n'est qu'une version de l'appropriation créative. Mais elle est poussée à l'extrême. Une création nouvelle a émergé d'une création ancienne. Half-Life n'apparaît plus dans Counter-Strike qu'à l'état de trace. C'est un exemple assez symbolique de continuum entre les pratiques d'appropriation par le public et la création même. Il est vain de tenter de tracer une ligne de démarcation entre la production de connaissances et d'œuvres et leur consommation. Les deux se mêlent en permanence. Avant d'être un grand compositeur, Bach n'était-il pas un grand auditeur capable d'amender et de détourner ce qu'il écoutait? Ce phénomène de création, à partir d'autres créations, est l'essence même de l'immatériel. La Fontaine a puisé ses fables chez Ésope. Richard Trevithick n'aurait pu inventer la locomotive sans les travaux de Watt et de Papin sur la machine à vapeur. Disney n'aurait pas construit son empire sans Victor Hugo, Andersen et les frères Grimm. Le Windows de Microsoft, avec ses fenêtres et ses menus déroulants, n'existerait pas sans Dan Ingalls, ni le rock sans le jazz, et ce dernier sans les musiques noires populaires. Je cite « Nous sommes des nains, juchés sur les épaules de géants. Nous voyons ainsi davantage et plus loin qu'eux, non parce que notre vue est plus aiguë ou notre taille plus haute, mais parce qu'ils nous portent en l'air et nous élèvent de toute leur hauteur gigantesque. » Écrivait Bernard de Chartres au XIIe siècle. Newton avait repris cette formule dans une lettre adressée à Robert Hooke pour rendre hommage à Galilée et à Descartes. Croit-on que le physicien soit moins génial que ses deux prédécesseurs parce qu'il s'est appuyé sur leurs idées? Évidemment, non. Toute production est avant tout une reproduction, une copie modifiée. L'imitation elle-même est la matrice de toute innovation. Les apprentis mathématiciens font leur gamme en redémontrant les théorèmes de Cauchy et de Fermat. Les grands compositeurs en jouant les œuvres des autres. La création est par nature collective. Collective dans l'espace, car elle nécessite souvent les efforts conjoints de plusieurs personnes, et collective dans le temps, car elle relie les aspirations du présent à l'aspiration du passé. Malheureusement, la propriété intellectuelle telle qu'elle se développe et se durcit aujourd'hui accepte mal la coopération, le repiquage et la création collective. Le film « Twelve Monkeys », « L'armée des douze singes » de Terry Gilliam fut interdit temporairement en salle 28 jours après sa diffusion aux États-Unis sur demande d'un designer qui affirmait qu'un fauteuil, visible à l'écran, ressemblait à l'une de ses créations. En février 2004, le DJ Danger Mouse a reçu la demande express d'Emmy de retirer du commerce son album Grey, pour lequel il avait mixé l'album blanc des Beatles et l'album noir de Jay-Z. Emmy ne demandait pas de rétribution, mais le retrait pur et simple des bacs. Et peu importe si reconnaître les Beatles dans la musique de DJ Danger Mouse était en soi une gageure. Je cite « La créativité et l'innovation s'appuient toujours sur le passé. Le passé essaie toujours de contrôler la créativité qui s'appuie sur lui. Des sociétés libres devraient rendre le futur possible en limitant le pouvoir du passé. Notre société est de moins en moins libre, estime Laurence Lessig. Les freins au pouvoir de censure du passé sur le présent, limitation dans le temps des droits, licence obligatoire, etc., sont désormais sans cesse remis en cause, dénoncés par les maximalistes de la propriété intellectuelle comme autant d'expropriation et de contraintes iniques.